à la commissarie Lumière. Oui, moi je vais parler de Paris 8, Paris 10, si vous le voulez bien. Même, on pourrait parler de Paris Ouest, Nanterre, La Défense, mais je préfère Paris 10 encore, donc, même si ça n'existe plus. Donc on va parler de Paris 8, Paris 10. Alors, pour résumer un petit peu la situation, j'ai ressorti le seul texte théorique, avec beaucoup de guillemets, qui a été produit sur les communes par la direction de l'université, qui s'appelle « Contre la fusion des universités, fonder une stratégie offensive sur le réel, virgule, pas sur une fiction ». Donc le réel, c'est eux, la fiction, c'est nous. Donc ça, c'était un petit peu le point de départ, qui est assez intéressant parce que c'est un point de départ qui est datable, dans une chronologie extrêmement précise, à savoir la mi-janvier 2014. Alors, la chronologie a son importance pour deux raisons. Une qui n'a pas été rappelée et qui me semble essentielle dans ce qui doit être notre objectif premier aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qu'on fait politiquement, qui est le degré absolument effarant de méconnaissance de la question de la part de l'immense majorité de nos collègues. Donc, je crois que pour arriver à mobiliser les gens, y compris, par exemple, des gens qui sont élus dans les conseils, il y a une partie des gens qui sont élus dans les conseils centraux qui ne savaient même pas qu'il existait une autre possibilité que la communauté d'université, parce qu'on leur a vendu, effectivement, que le reste, c'était des bandes dessinées. C'était une espèce d'imagination ludique, intéressante, d'ineffable gauchiste, à ne pas prendre en compte. Bon, alors, quand on est un vieux social-démocrate mou comme moi, ça m'énervait un petit peu, mais bon, voilà. On est parti quand même de cette idée-là, très clairement, qu'il y avait d'un côté la réalité, de l'autre côté la fiction. De façon quand même assez rapide et avec des efforts qui venaient de différents horizons, une grande partie de l'intersyndicale d'un côté, une association locale qui s'est montée avec le nom de Pour Paris 8 et un symbole qui est le koala. Pourquoi le koala ? Parce qu'il est petit, sympathique et en voie de disparition, comme l'université qui se respecte en tout cas. Un mouvement qui existe de façon quand même assez stable à Paris 8 et qui peut prendre différentes formes depuis la loi LRU et même avant. Donc tous ces gens-là, grosso modo, sont contre la communauté d'université avec des positions différentes, certains ne voulant absolument qu'un statu quo, d'autres disant non, défendons la possibilité de l'association. Ce qui est intéressant, c'est que en temps relativement court, c'est-à-dire en 2 mois, janvier-février, les termes du débat ont changé radicalement. C'est-à-dire qu'on est passé d'une ligne politique de ceux qui nous gouvernent, qui était « nous, on est le réel, eux, c'est la fiction », à une ligne politique, et ça, c'est assez intéressant, parce que ça veut dire que c'est un travail de terrain qui a permis ça, qui fait qu'ils ne peuvent plus dire que c'est une fiction. Donc, à partir de là, ils disent « ce sont deux positions différentes politiquement » et ils n'essayent pas d'argumenter parce que justement ils ont des difficultés à argumenter. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il leur reste une fois que ces 2 mois se sont passés. Ce qu'il leur reste une fois que ces 2 mois se sont passés sont uniquement 2 remarques. Et ça peut nous intéresser à l'avenir. La première remarque, c'est oui, mais si vous faites l'association, il faut un chef de file. Et donc, vous vous rendez compte, nous, on va disparaître parce que Nanterre, ils sont plus gros que nous. Et Nanterre, ils sont méchants. Hein, c'est bien connu. Donc, Nanterre, ils sont méchants, ils sont plus gros. Donc, nous, Paris 8, donc vous qui prétendez défendre Paris 8, et là, appel aux mannes de Vincennes, que vous pouvez imaginer, vous êtes en train d'être les fossoyeurs de Paris 8. Donc ça, c'est le premier type d'argumentation. Et quand on leur dit, bah oui, mais nous, en fait, on est plutôt favorable au fait, et ça, c'est toujours tout à fait admissible dans une convention d'association, que le fameux porte-parole de l'association, eh bien, il peut changer. Ça peut être pendant X années l'un des deux établissements et pendant une autre période, un autre des établissements. Alors j'en viens à une question là qui est importante, sur laquelle il faudra revenir, c'est que les cas sont extrêmement différents selon les situations universitaires. Ça, à mon avis, on ne l'a pas assez souligné jusqu'à présent. C'est-à-dire que des solutions politiques qui sont valables dans notre cas, Paris 8, Paris 10, ne sont pas possible à proposer pour SPC, par exemple. Parce qu'on ne peut pas proposer les mêmes solutions politiques, à mon avis, dans une situation d'association à 2 universités qu'à une association d'association à 5 ou 6 universités. Donc ça, c'est une chose dont il faut qu'on tienne compte techniquement dans nos propositions d'alternatives, puisqu'il y a une alternative, effectivement, à la commune. Le deuxième argument de nos adversaires, c'est toujours le même, c'est « Ah mais, nous, on est évidemment contre la fusion. On est contre la LRU. On est contre ces logiques qui ont été décrites magnifiquement tout à l'heure dans la première partie de notre séminaire. Mais, qu'est-ce que vous voulez ? On est obligé de passer sous ces fourches codines-là, parce que sinon, on va disparaître. Et notamment, on va disparaître parce qu'ils ne nous donneront pas d'argent. Ils sont méchants au ministère. Donc, ils ne nous donneront pas d'argent si nous ne passons pas à la commu. Et puis, alors, ça, ils le disent d'abord de façon globale. Et puis, après, ils disent, dans un deuxième temps, de façon plus subreptice, parce qu'ils savent, notamment à Paris 8, que ce n'est pas nécessairement un argument qui marche. Et puis, on ne pourra pas être candidat pour les initiatives d'excellence. Alors, ils ne disent pas initiatives d'excellence, parce qu'ils savent que quand on dit excellence, ça énerve. Mais ils disent les initiatives d'avenir, les nouvelles possibilités ouvertes par le gouvernement sur les initiatives de site, etc. etc., etc. Bon, il est très clair, bon, on sait comment ont été nourries d'illusions un certain nombre d'universités à partir de cet argumentaire-là. On sait aussi que même pour ceux qui n'ont pas été nourris d'illusions, mais qui ont obtenu les IDEX, on a vu ce que ça pouvait donner, à la fois du point de vue strictement financier, et du point de vue surtout des effets induits et des dégâts collatéraux sur les formes de démocratie universitaire. Donc, ce que je trouve assez intéressant dans ce débat-là, et dont nous pouvons collectivement nous faire des armes, c'est que les deux arguments qu'il leur reste, une fois que le débat est engagé sur l'analyse de la loi et sur ce qui a été dit précédemment, sont deux arguments qui ne sont pas très difficiles à battre en brèche, au moins d'un point de vue intellectuel. Donc après, qu'est-ce qui reste ? Il reste que le passage en force. Et on est dans cette logique-là, à Paris 8 et à Paris 10, pour une raison assez simple, c'est que nous avons une majorité qu'on aurait appelée autrefois bulgare ou soviétique, ou que sais-je, dans notre conseil d'administration, qui fait qu'il est assez peu probable que le conseil d'administration vote autre chose que ce que la présidente lui proposera. Mais je dirais, à la limite, c'est pas ça l'essentiel. Parce que ce qui peut être un objectif tenable, en revanche, c'est de faire basculer une partie, ça c'est un objectif politique, de cette majorité dans autre chose. C'est-à-dire que si leur majorité vacille, et c'est pas totalement exclu sur 3 ou 4 cas, ils passeront, mais ils passeront de peu. Or, nous sommes dans une chronologie qui, là, doit être prise en compte quand on fait un travail politique sur cette question-là, c'est que les choses qui vont être votées d'abord à Paris 8 vont être votées ensuite à Nanterre. Et à Nanterre, la situation est un peu plus ouverte, on va dire, même si elle n'est pas complètement ouverte. Et si les choses bougent un peu à Paris 8, et quand je dis bougent un peu, c'est pas négocier à la marge telle ou telle modification du statut de l'article 42 bis de la future commu. Bouger dans cette situation-là, ça veut dire arriver à perdre de façon honorable, si je puis dire, devant le conseil d'administration et à montrer de façon assez claire qu'il y a aussi des gens qui pensent différemment. Alors une des choses qu'on a décidé de faire, même si on n'est pas des fanatiques de la pétition et de la pétitionnite sur ces questions-là, mais c'est de montrer qu'il y avait un certain nombre de personnes parmi les collègues enseignants et biats qui étaient contre la commu et pour l'association. Et en 4 semaines, on a réussi à rassembler 260 signatures. Et sur une base qui était plus compliquée que de simple cliquer, puisqu'il fallait envoyer un mail en disant « je suis d'accord avec ». Donc, ça supposait un engagement un petit peu plus grand que simplement cliquer dans les pétitions modernes. Mais comme on n'est pas moderne à Paris 8, on avait fait une pétition un peu à l'ancienne. Avec même, on recueillait des signatures à la main. Vous pensez que vraiment, Mérindol verrait ses cheveux se dresser sur la tête, rien qu'à y penser. Donc, 260 personnes sur un potentiel maximal de à peu près 1100 à 1200 personnes, c'est pas complètement ridicule en un mois et demi. Et je dois dire que ça gêne beaucoup notre présidence actuelle, qui a donc lancé un grand débat. Alors, le grand débat, là aussi, c'est une chose qui est assez intéressante, puisque on nous dit, mais on va débattre, et puis on renvoie toujours le débat, on en a parlé. Alors là, le débat a consisté en 2 réunions d'information. Donc, qui était baptisé débat et information. mais où l'information, évidemment, était plus importante que le débat. Une qui était destinée aux collègues enseignants et biarritz, et une qui était destinée aux étudiants. Ces deux réunions ont eu lieu en février, et la présidence de l'université semble considérer qu'avec ces deux réunions, elle s'est acquittée de son devoir de dialogue, social ou pas social, je ne sais pas, mais enfin de dialogue, à l'égard des gens qui n'étaient pas d'accord avec elle. Deux minutes ? Une minute ? Ben, j'arrête tout de suite. oui, donc tout ça pour... alors je conclue très, très rapidement. Je pense que le débat sur les communs et le combat sur les communs, c'est notre dernier combat à mener. Après, on plie les Gaules et on a perdu. Donc il faut être clair là-dessus. Il faut effectivement convaincre tous nos collègues que si on laisse passer ça, on a tout laissé passer et après, on n'a plus qu'à pleurer, à rentrer cultiver notre jardin. Voilà. Ce n'est pas totalement impossible de convaincre une bonne partie de nos collègues de ça.